بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل بإذن الله عز وجل في هذه الدراسة عن بعض الفرق الضالة on continue donc cette série sur les sectes et aujourd'hui مع فرقة جديدة وهي فرقة القرآنيين. Et aujourd'hui, on résume les égarements concernant cette secte القرآنيين. أي, en français, les coranistes. ويسمون كذلك, ils s'appellent eux-mêmes أهل القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أما نشأتهم وأبرز الشخصيات Un bref aperçu sur l'historique de cette secte. وكذلك أبرز الشخصيات et leurs guides, leurs imams. القرآنيون أو أهل القرآن زعموا فرقة ضالة ظهرت في آخر القرن التاسع عشر في الهند. Donc c'est un groupe égaré qui est apparu à la fin du 19e siècle. Fil Hind, en Inde, à la yad Ahmed Khan, l'amil de l'ihtilal al-Britanni. Hada al-Za'ir Ahmed Khan, il vivait en Inde et il avait des liens avec les colonisateurs anglais à l'époque et il avait hada al-fikr, et le fait de prendre hada al-din de comprendre cette religion avec le Coran فقط. فهذه الطائفة تعتقد أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع دون ما سواه. هذا c'est un résumé de la croyance de هؤلاء. أن la seule source légitime, authentique pour هؤلاء, pour comprendre notre dîne, pour appliquer sa religion, pour juger, c'est le Coran الكريم. دون ما سواه. أما autre que le Coran, que ce soit la sunna du prophète alayhi salatu wasalam ou l'ijma' l'unanimité ou le qiyas tout cela pour eux c'est rejeté fa yaruddun wa yunkirun hujjiyat as-sunna an-nabawiyya ala sahibiha afdal as-salatu wasalam donc ils ont rejeté as-sunna an-nabawiyya jumlatan wa tafsila et ils l'ont complètement rejeté iyadan billah. Et dans cette kalima, inshallah ta'ala, on va citer leur shuba et on va essayer de répondre bi'idhnillah azza wa jal. On continue l'historique. Thumma tala Ahmed Khan, et après Ahmed Khan, un autre égaré lui a succédé, wa huwa Abdullah Jakralawi. Kana huwa kada Jakralawi. Fi bilad Pakistan, au Pakistan. وأسس جماعة أهل الذكر والقرآن. Et il a fondé son groupe qu'il a appelé أهل الذكر والقرآن. ثم تبنى نفس الطريقة أحمد الدين الأمرتسري مؤسس جماعة أمة مسلمة أمة مسلمة. ثم ستجاري أحمد الدين. Il a fondé كذلك son groupe qu'il a appelé أمة مسلمة. ثم بعدهم un autre qui s'appelait غلام أحمد برويز et غير هؤلاء. وظهر كذلك هذا الفكر في بلاد مصر. En Égypte كذلك ce groupe et cette pensée et le fait de prendre que du Coran et de rejeter la Sunna elle est apparue. وتسبب في نشره أي في نشرة هذا الفكر الخبيث محمد عبده الضال العقلاني هذا المنحرف ستجاري محمد عبده il est connu et العلماء ولله الحمد ils ont montré son égarement et il était معروف بهذا برد السنة et même si هو il ne se disait pas faire partie de cette secte de ce groupe لكن ses idées ses pensées elles ont aidé à propager هذا الفكر في مصر et dans les pays arabes. وفي هذا الوقت يعتبر أحمد الصبحي منصور المصري مفكر هذه الفرقة. C'est leur guide aujourd'hui. Cet homme qui s'appelle Ahmed Soubhi Mansour, c'est un Égyptien qui a fui l'Égypte à cause de ses graves pensées. Wallahi alhamd, les musulmans, ils n'acceptent pas mitla haoula al-zanadiqa. Il s'est enfui aux États-Unis et il a écrit un livre qu'il a appelé Al-Qur'an wa kafa masdaran lit-tashri' al-islam. Al-Qur'an suffit comme source pour la législation islamique. هذا لا شك أنه يفبارتي دو هؤلاء بل سرأس من رؤوسهم سأندلوغ جيد أنوتخي بوك. وهذا الفكر الخبيث أي إنكار حجية السنة ظهر قديما. يفو بيان كومبخاند هنا أن هذا الفكر أي ست بانسي ست كرويانس كو القرآن يسوفي et le fait de rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une croyance qui est apparue il y a longtemps. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى المجلد التاسع عشر والخوارج تجوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجوز ويضل في أن يجور ويضل في سنته ولم يجيب طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة الذي يخالف أي بزعمهم أو تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. معلوم أن رأس الخوارج ذو الخويسرة سلوي كي أدي وبخفة محمد عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد أي سوى جست إلى أكوزي النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. Il a prétendu que هذه القسمة أي ce partage que le Nabi صلى الله عليه وسلم il avait fait après هذه الغزوة après une bataille la bataille de Tabuk فيما أذكر. هذا الخبيث قال اعدل أي سوى جست ثم il a osé dire que le partage du prophète عليه الصلاة والسلام c'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et هذا سنمتخ أن هؤلاء ils ne donnaient pas d'importance à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام à la voix du prophète عليه الصلاة والسلام à ses commandements. وقال كذلك شيخ الإسلام وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا. Et ça c'est une faïda nafisa. أن غالب أهل البدع la plupart des égarés la plupart des innovateurs ils sont على هذا أنهم ils ne donnent pas d'importance à la sunna. قال فإنهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه كما يحكى عن عمرو بن عوي. Et ça c'est من سمات أهل البدع والأهواء. Ça fait partie de leur caractéristique أن si النص que ça soit du Coran un texte du Coran ou de la Sunna il est pas en concordance avec leur passion avec ce qu'ils pensent avec leur voix, enfin imma ils le rejettent imma ils vont le déformer. Tout ça pour que ça corresponde à leur voix, à leurs égarements. Fal-hadar, on doit faire attention à l'hawa, aux passions. Al-Qur'an ou Sunna, c'est Wahyullah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit se soumettre à la révélation. On ne doit pas essayer de soumettre la révélation à nos envies, à nos passions, à nos idées. Ahlul bid'a wal ahwa waq'u fi hadha. Amma, le groupe qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, bi'idnillah azza wa jalla, ils ont complètement rejeté sunna. Wa kafaru. Ils sont sortis de l'islam, kama sayati ma'ana. Amma, tu trouves des groupes aujourd'hui, ou à l'époque, ils ne rejetaient pas clairement et directement, lakin, imma, ils disaient que le hadith, il n'est pas authentique. Imma, c'est le hadith, ils ne pouvaient pas le rejeter. Min babi awla, un verset du Coran al-Karim, fa. يدفرمي عيدا بالله. ثم قال شيخ الإسلام كما يحكى عن عمرو ابن عبيد في حديث الصادق المصدوق. عمرو ابن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة un des guides de المعتزلة ce groupe qu'on a étudié ensemble auparavant ولله الحمد. فعمرو ابن عبيد هذا لما سمع حديث ابن مسعود رضي الله عنه il a entendu مرة ce hadith de عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره الحديث تقدم معنا dans l'explication des 40 حديث de l'imam النووي. Ce hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم il a montré les étapes de la création de l'être humain dans le ventre de sa mère et les étapes de l'embryon. 40 jours كذا ثم une autre étape كذا إلى آخره. الحديث اللي في صحيح البخاري صحيح مسلم. لكن تأمل pourquoi on a cité cet exemple que Cheikhoul Islam رحمه الله تعالى il a cité dans cette parole. لماذا؟ لأن تأملوا كما il va rejeter الحديث بكل وضوح. فقال عمرو ابن عبيد كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي وكذلك الإمام الذهبي il a rapporté ce récit dans Mizan l'i'tidal قال عمرو ابن عبيد لو سمعت الأعمش يقول هذا لقلت كذبت. الأعمش c'est un des rapporteurs de ce hadith. فعمر ابن عبيد قال il a dit أن s'il aurait entendu الأعمش الإمام رحمه الله rapporter ce hadith il l'aurait accusé de mensonge. ثم قال ولو سمعت زيد بن وهب يقول ذلك لقلت له كذبت. Et si j'aurais entendu un deuxième rapporteur de ce hadith qui fait partie de la chaîne de transmission, Zayd ibn Wahb. Enfin, il a prétendu, s'il aurait entendu rapporter ce hadith, il aurait dit la même chose. Tu mens. ثم قال ولو سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول ذلك ما قبلته. انظروا. Même الصحابي. Et la croyance de Al-Sunna wal-Layl Hamd, c'est que les compagnons, ils sont tous de confiance. On n'a pas le droit de rejeter leurs informations. فهو يقول بكل وضوح وبكل وقاحة أنه s'il aurait entendu ابن مسعود dire, rapporter ce hadith, il n'aurait pas accepté. لماذا؟ لأن ce hadith, il contredit pour هذا الخبيث الضال la raison. Et il n'arrive pas à concevoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait pu informer de ces choses. Ça montre que هؤلاء c'était des anadiqa. وإلا فالمؤمن bien sûr qui l'accepte toutes les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام tant qu'elles sont authentiques ولله الحمد. فلهذا vous avez remarqué que Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه quand il a rapporté le hadith قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Et c'est le véridique et qu'on doit rendre véridique. Pourquoi? لأن ce hadith ça fait partie des choses que l'être humain il ne peut dire qu'avec la révélation. À l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام il n'y avait pas encore les moyens pour savoir les étapes de l'embryon dans l'utérus ila akhir. Fa li hadha ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-mazduq. Amma haula az-zanadiqa ils acceptaient pas mitla hadhihi al-ahadi. Et c'est pas fini, qala wa law sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul dhalik la radadtu hatta ar-rasul alayhi as-salatu wa salam. S'il aurait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dire, et de sa propre bouche devant lui, enfin, il n'aurait pas accepté, il aurait rejeté. ثم قال الخبيث ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت ليس على هذا خط ميثاق. S'il aurait entendu Allah azza wa jal dire هذا, il aurait rejeté. Et c'est pas pour ça que tu nous as créé il a akhir. نعوذ بالله من الضلال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهذا من أقبح الكفر لعنه الله إن كان قال هذا. هذا من أقبح الكفر. C'est la mécréance claire. فلهذا الإمام ابن كثير رحمه الله إلا مودي لعنه الله كالله المودس إن كان قال هذا. Bien sûr s'il a vraiment dit هذا. Et العلماء ils ont rapporté هذه القصة. فهذا حال أهل الأهواء يردون من النصوص ما يخالف ما هم عليه عيدا بالله. Ça c'est une des caractéristiques des gens des patients. أنهم ils ne se soumettent pas aux textes. Ils n'acceptent pas les textes là. Ils acceptent que ce qui correspond à leur passion et ce qui ne correspond pas, ils déforment. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أن مشرب هؤلاء القرآنيين رد الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة. Ils ont rejeté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de certaines choubahs, des ambiguïtés. نعوذ بالله. On va les citer, inshallah ta'ala, au moins un résumé dans cette kalima. قال لا في صحتها من جهة إسناده. Ils n'ont pas rejeté les hadiths. لماذا لأنهم ils ont des connaissances dans la science du hadith et parce que c'est des hadiths faibles. أبدا. هؤلاء des جهال. Ils n'ont aucun علم في هذا الباب العظيم dans la science du hadith. لكن pourquoi قال ولكن لمخالفتها لأهوائهم وميولهم. Et نعم. Et parce que هؤلاء أصلا ce n'est pas des croyants. القرآنيون كما زياتي معنا. C'est pour ça qu'ils ont rejeté une des sources de l'islam, al-Sunna. Ben le rejet de la Sunna, en fait, c'est un rejet du Coran. Il n'y a aucun doute. Fi hada, akhi al-Karim. Amma manzilat al-Sunna wa hujjiyatuha, ay la place de la Sunna dans notre dîn, dans l'islam, et كذلك le fait que c'est une preuve et c'est une source authentique. Enfin, on a plusieurs preuves à la hala dans le Coran et dans le Sunna. On peut citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets, أَمَرَنَا بِطَاعَتِهِ عَزَّ وَجَلْ وَبِطَاعَتْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Nous a ordonné de lui obéir et d'obéir au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa qala Allah azza wa jalla wa man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rejeter la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla wa ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. إن الله شديد العقاب وما أتاكم الرسول فخذوه. Ce que le prophète صلى الله عليه وسلم vous donne, prenez-le. Pourquoi rejeter sa sunna? La حقيقة, ça montre أن هؤلاء leur cœur il est mort. وإلا le mu'min, il peut se tromper, il peut avoir des faiblesses, لكن rejeter complètement la sunna, هذا ça peut pas arriver d'un croyant. أبداً. وما نهاكم عنه فانتهوا. Et ce qu'il vous interdit, écartez-vous. Les mal, c'est pour notre bien. Et les mal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. C'est un messager. Ben, c'est le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Et on est tous d'accord en tant que croyants que les prophètes et les messagers, ils ont reçu la révélation. Et cette révélation, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on obéisse. Ben, les mal, elle a rejeté. Ça nous montre, celui qui rejette la révélation, c'est pas un croyant. Abadan. Ou là aussi, ils se sont donné ces appellations. أهل القرآن والقرآنيون وأهل الذكر. C'est des menteurs. C'est من أبعد الناس. C'est les gens les plus éloignés du Coran. قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة. أي vous avez un excellent, un bon modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي vous avez un excellent modèle sur le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. أي c'est un modèle pour nous. Et si c'est un modèle, bien sûr qu'on doit suivre ses commandements. Bien sûr qu'on doit écouter ses conseils. Bien sûr qu'on doit le prendre comme modèle en le suivant. Et le suivre, le prophète صلى الله عليه وسلم, il ne fait plus partie de ce monde. Enfin, comment le suivre? On peut le suivre qu'en suivant sa sunna. Fallait هذا, on le répète, أن هؤلاء ils ont rejeté le Coran, le Karim. Les versets du Coran, ils sont clairs qu'on doit tous obéir au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Ça, c'est une صفات المنافقين. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et quand il leur est dit à هؤلاء, à ces hypocrites, de suivre ma anzal Allah, ay le Coran, ce que Allah il a révélé, wa ila rasoul, et ay la sunna du prophète alayhi salatu salam, de revenir au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu salam, ra'ayta al munafiqin yasudduna anka sududa. Il n'accepte pas, il se détourne. Amma al mu'min, on le répète, même s'il a des faiblesses, abadan il rejette. Il écoute, au moins il essaye d'appliquer autant qu'il peut. Et s'il se trompe, il reconnaît ses torts. Il essaye de progresser, hatta il arrive à mettre en application. Amma rejeter, هذا ça fait pas partie de l'iman في الشيء ça fait pas partie de la foi ابدا بل ça contredit ça annule la foi le fait de rejeter les textes قال الله سبحانه وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه تاملوا ce verset وانزل الله عليك الكتاب والحكمه الله سبحانه وتعالى il a révélé deux choses au prophète عليه الصلاه والسلام الكتاب bien sûr c'est le Coran والحكمه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الرسالة ذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة ذكر الله سبحانه وتعالى إلى ست دوشوز إلى ست القرآن إلى ست الحكمة قال فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي رحمه الله إلى entendu les savants dire, et les savants qui étaient avant lui, dont il a puisé sa science, rahmatullah alayh, et l'imam Shafi'i, c'est « min a'lam hadhihi l'umma »« min a'immati al-islam » Et il a rapporté هذا, et la parole des savants, « anna al-hikma » c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. « Qala li anna al-Qur'an dhukir wa utbi'athu al-hikma » Non, le Qur'an il a été cité. « Qala azza wa jal wa anzal Allahu alayka al-kitab » On est tous d'accord, c'est le Coran. Allah, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le kitab. Ou al-hikma. Et al-hikma, il est ma'rouf. Dans la langue arabe, quand il y a un atf, et un ma'touf alayhi, et on a qu'on a le kitab ou al-hikma, et on t'a révélé le livre et la sagesse. Ma'rouf en langue arabe, la base, c'est que la sagesse, ce n'est pas le livre. Vu qu'ils ont cité les deux, c'est deux choses différentes. Le Coran, c'est le kitab et le hikma, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Qala, wa dhikrullah manhi ala khalqihi bi ta'limihim al kitab wal hikma. Falam, kalima n'est pas wadiha. Qala, an yuqala al hikma, ila akhriha huna, illa sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa dhalika annaha maqruna ma'a kitabillah. Il n'y a aucun doute donc que al hikma, dans le verset, c'est la sunna du prophète alayhi as-salat wa salam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. On peut citer ce dernier verset pour montrer l'importance de la sunna dans le Coran et كذلك حجيتها ان la sunna c'est une source bel c'est une des bases de la législation islamique. Et celui qui la rejette, ce n'est pas un croyant. قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أي, on t'a révélé الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن. أي الله سبحانه وتعالى il a révélé au prophète صلى الله عليه وسلم الذكر. هذا, c'est clair, c'est القرآن. كما فسره العلماء. الإمام ابن الجوزي رحمه الله dans son tafsir il a rapporté الإجماع que المراد بالذكر c'est le Coran. قال لتبين للناس أي قال في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. أي الله سبحانه وتعالى il a révélé le Coran au prophète عليه الصلاة والسلام pour qu'il montre aux gens, il montre aux gens et il explique ce Coran avec ماذا, avec ses paroles et avec ses faits et gestes, et ce qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses faits et gestes, et kadalik, ce qu'il a accepté, ce qu'il a approuvé. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصله. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a expliqué, il a détaillé هذا القرآن. لأن il y a des versets, c'est des أصول. مثلا قوله أقيم الصلاة, accomplissez la صلاة. Est-ce que dans le Coran, c'est détaillé sifat al-salat, et une description détaillée de la salat dans le Coran, là, qui c'est qui nous a détaillé هذه الصلاة, c'est le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. قال الإمام, انتهى كلام الإمام القرطبي, وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره, وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي وبيان الكتاب يطلب من السنة. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a détaillé هذا le Coran, qui l'a expliqué, qui l'a transmis, qui l'a propagé, alayhi salatu wa sallam. Et هذا le bayan, et ce détail, cette explication, c'est avec la sunna. Qala azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle pas sous l'effet de la passion. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala wasafahu bi hadha al-kalam in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallam il parlait avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ces paroles, ces faits et gestes, c'est min wahyi Allah subhanahu wa ta'ala. On parle bien sûr dans tout ce qui concerne notre din et ce qui concerne la religion. Amma bi as-sunnah, on a beaucoup de preuves qui montrent l'importance de la voix du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah fi kitabih al-Jami' al-Sahih, il a cité un chapitre. قال باب إخباره صلى الله عليه وسلم بالطائفة القرآنية. كذلك dans son livre دلائل النبوة rahimahullah, il a cité ce chapitre. أي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait informé plutôt qu'un groupe, il allait sortir, il allait apparaître dans cette communauté, ou plutôt ils vont faire croire qu'ils font partie de cette communauté, wa illa ils sont très très loin. Faqala ikhbaruhu sallallahu alayhi wa sallam bi ta'ifati al-qur'aniyya, et qu'un groupe qui allait rejeter la sunna, il allait apparaître. Faqala sallallahu alayhi wa sallam la alfiyan ahadakum muttaki'an ala arikatih ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu an. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit haoula. Vous avez remarqué que cette description, ça montre que haoula, ils ne font pas d'efforts dans l'ilm. Et dans l'autre hadith, la ala yushiku rajulun shab'an ala arikati. Al-arika, c'est le canapé, le divan. Haoula, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que vous ne faites pas partie de haoula qui seront couchés, allongés sur leur divan, sur leur canapé. Et كذلك, ça montre qu'anahum, ils ont shabi'u. Ça montre qu'ils sont ancrés dans le dunya, ils ne font pas beaucoup d'efforts sur l'ilm. Mada yaqulun, qu'est-ce qu'ils disent? Ya'tih al-amru min amri, mimma amartu biha wa nahaytu an. Quand une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvient, d'un ordre à accomplir, ou d'une interdiction dont on doit s'écarter, fa yaqul, لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا ما ندري. Et هؤلاء diront, on ne connaît pas ces choses. Ils donneront aucune importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم ils prétendront انهم suivent le Coran. ما وجدنا في كتاب الله تبعنا. Ce qu'on trouve dans le Coran, on le suit. Et c'est des menteurs. قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قُلْ أَطِيعُ اللَّهُ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ. Toutes les preuves qu'on a citées auparavant dans le Coran. وَالنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَطَعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. تأملوا ce hadith. Ça montre l'importance et la gravité de ceux qui rejettent sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le suivent pas. لأنهم si rejettent la sunnat du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont pas le suivre. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute la communauté rentrera au paradis. Tous les croyants, ولله الحمد, ils rentreront au paradis. Sauf ceux qui refusent. إلا من أبى. Sauf celui qui refuse de rentrer. As-sahaba radiyallahu anhum, ils ont été étonnés. Comment quelqu'un peut refuser de rentrer au paradis? Wa man ya'ba ya rasulallah. قال عليه الصلاه والسلام من اطاعني دخل الجنه. Celui qui me suit rentrera au paradis. Wa man asani faqad aba. Celui qui me désobéit, il a refusé. Celui qui rejette la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام, il refuse. Il refuse d'obéir, il refuse de suivre, il refuse d'emprunter le chemin qui emmène au paradis. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان امراه جاءت اليه فقالت له انت الذي تقول لعن الله لعن الله النامصات والمتنمصات. On a cité هذه القصه pour montrer ان الصحابه رضي الله عنهم ils donnaient beaucoup d'importance à la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام. بل ils comprenaient le Coran avec la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام. C'est deux sources indissociables. وتيت القرآن ومثله معه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. On m'a révélé le Coran et une chose semblable avec Aïssa Sunna. Fabnu Mas'ud radiyallahu anhu, une femme, elle est venue le voir et elle lui a demandé, est-ce que c'est lui qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala l'a'na al-namisat wal-mutanamisat ila akhiri le hadith. Celle qui s'épile les sourcils et taqaddam ma'ana hadha al-hadith kathiran. قال رضي الله عنه نعم ابن مسعود الى دين امس je dis cela ان الله سبحانه وتعالى il maudit ces femmes qui font ces choses. Et dans une autre riwaya وما لما العن من لعنهم الله, et pourquoi je ne maudirai pas ce que Allah il a maudit ou ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a maudit. Enfin, cette femme elle a répondu فقالت فاني قرات ما بين لوحي المصحف كما في روايه مسلم فما وجدته. Cette femme, elle a dit, mais j'ai lu le Coran du début à la fin, j'ai pas trouvé un verset à ce sujet. Que Allah, il a maudit les femmes qui font des rajouts dans leurs cheveux, qui s'épilent les sourcils, et l'akhir. Faqala, radiyallahu ta'ala anhu, la in kunti qara'tih laqad wajadtih. Si tu avais vraiment lu le Coran, tu aurais trouvé le verset. Thumma qala, radiyallahu anhu, قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا متفق عليه. تأملوا استدلال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إلى affirmé que Allah سبحانه وتعالى il a maudit ces femmes qui font telle chose. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé بذلك. Il a fait aucune différence. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا إن ذا أخذني d'écouter, d'obéir au prophète alayhi salatu wasalam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit ces femmes qui font ces choses qui sont citées dans le hadith. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a maudites, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a maudites. هذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça, c'est la compréhension de هؤلاء الأخيار. قال الإمام محمد بن الحسين أبو بكر الآجوري رحمه الله في كتابه النفيس الشريعة ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله عز وجل قيل له أنت رجل سوء. Et si on entend واحد qui dit, qui prétend qu'il prend que ce qu'il y a dans le Coran, الإمام الأجوري رحمه الله قال on lui dit anta rajul su, tu es une mauvaise personne. Qala wa anta mimman hadharnak an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadhara mink al-ulama, ay comme on a cité dans le hadith auparavant, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde contre ces gens-là, ay qui prétendent prendre que du Coran. Wa qila lahu ya jahil inna Allah azza wa jalla anzala fara'idahu jumlatan wa amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yubayyana lin-nas ma unzila ilayhi. قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Les versets qu'on a cités précédemment. Donc cet ignorant il doit bien comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran et كذلك il a révélé la Sunna au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام pour expliquer, détailler ces versets du Coran. ثم قال يا جاهل قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أين تجد في كتاب الله عز وجل أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأن المغرب ثلاث. ثم الإمام الأجوري رحمه الله إلى ستي هذه الحجة القوية وهذا الكلام النفيس. أي on dit à cet ignorant Allah سبحانه وتعالى nous a ordonné de faire الصلاة وأقيم الصلاة accomplissez la salat. ف est-ce que dans le Coran tu as des versets qui détaillent هذه الصلاة, c'est à quelle heure, combien de rak'a, qu'est-ce que tu dois réciter, toutes les positions, toutes les paroles à dire. Tu ne trouveras pas hadha fil Qur'an. Comment tu vas accomplir hadith salat? Et une autre question on pose ici. C'est quoi qui dérange de revenir au prophète Mohammed alayhi salat wa salam? Est-ce que le cœur d'un mu'min, même un ignorant, tu prends le plus ignorant parmi les muslimines, abadan, il trouvera un problème de revenir au prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Là, le problème qu'on a, c'est le manque d'effort, c'est les passions, c'est l'oubli, c'est des choses hakada qui nous font que certains, qui font que plutôt que certains musulmans, ils ne font pas salat comme le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. أو التقليد يبانس كو لوغ بارون إيزون كومبخي ميو كو دونك إي لي سويف. أما أن مسلم كي دير لا جي با أنفي دو فير لا صلاة كوم لو بروفيت عليه الصلاة والسلام أو إل نو فو با فير لا صلاة كوم لو بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام تو تخوفرا با لماذا لأن سي با بوسيبل سي با أن مسلم سي أن كافر بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فت لا صلاة كوم فو ما بي فير لا صلاة. دونك سا نو مونتر كو لا ريفيرونس ليكزومبل موديل سي لو بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء comment ils vont faire la salat si on prend que le nombre de rak'at comment ils vont faire. Et العجيب ان هؤلاء الضلال يعني ils ont des réponses et c'est des ambiguïtés. Si on prend, on garde toujours l'exemple de as-salat et le nombre de rak'at, tu te demandes هؤلاء comment ils font. Un de leurs imams وهو عبد الله الجكراوي, on l'a cité parmi les têtes de هؤلاء في كتابه ترجمة القرآن, il a cité comme preuve sur les salats 2 rak'a, 3 rak'a ou 4, il y en a les 5 salats obligatoires, imma c'est 2 rak'a comme le fajr, imma c'est 4 rak'a comme le dhuhr wal asr wal isha, imma 3 rak'a comme le maghrib. Il a cité comme preuve qawluhu azza wa jalla alhamdulillah fatir as-samawati wal ard alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha Mathna wa thulath wa ruba. Et il a prétendu que huna le nombre il est cité. Na'oudou billah min al-inhara. Le verset Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré clairement que les anges, ils ont des ailes et certains anges ils ont deux, d'autres trois, d'autres quatre, et il a akhir. Huwa hadha al-khabith, il a pris vu que les nombres 2, 3, 4 ça correspond à la salat. Il a prétendu que c'était pour la salat. Et d'autres parmi eux, stadallu bi qawli Allah azza wa jalla wa ankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulath wa ruba'. Ay mariez-vous avec les femmes croyantes, imma 2, imma 3, imma 4. Et si vous craignez d'être injuste, une. Fa wa'dhum ils ont pris hada comme istidlal pour la salat. Andurou at-tala'ub comme ils jouent avec les textes akhzarhum Allah. هذا الشان كل مبطل هؤلاء sont dans l'extrême. فلهذا العلماء comme on verra ensemble inshallah avant la fin de la muhadra ils les ont fait sortir de l'islam, leur égarement, leur mécréance elle est claire. لكن on fait attention à l'hawa de ne pas essayer de faire que ce texte il convient à ce qu'on pense ou à ce qu'on dit. Abadan, on doit comprendre les textes comme ils les ont compris as-salaf, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il les a transmis. Comme anzal Allah subhanahu wa ta'ala ce verset, ou ce hadith qu'il a révélé au prophète Mohammed alayhi wa sallam. Pas comme on veut nous, pas comme on pense nous, pas pour satisfaire un tel ou un tel. ثم قال الإمام الآجوري رحمه الله في نيسون كلام وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها نعم أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. Tout ce qui concerne la salat, les sunan, les choses recommandées à faire, les annulations, tout ce qui concerne la purification, tout ce qui concerne salat al-janaza, salat al-tarawih, aina satajid hada, tu trouveras pas hada dans le Coran, tu trouveras les détails dans sunnat al-nabi alayhi salat al-salam pour celui qui veut al-huda wa al-nur, celui qui veut la guider. Amma haoula ils ne veulent pas la guider, c'est pour ça qu'ils ont rejeté la guider, la voix du prophète alayhi salat al-salam. Fa na'oudhu billah. قال ان فينيسون كلام هذا قول علماء المسلمين ومن قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى. C'est pour ça que l'imam al-Ajuri rahimahullah il a démontré que ceux qui rejettent la sunna ils sont sortis de l'islam. C'est des malahida, c'est des athées. لماذا لان المؤمن يكره على révélation. Qui c'est qui rejette la révélation? C'est Al-Kafara, Al-Zanadiqa, les athées, les mécréants. Akhzahumullah. Amma leur choubouhat, ils ont plusieurs ambiguïtés. Et ils ont comme, ou ils citent plutôt des arguments pour essayer de prouver leur authenticité, leur légitimité, annahum, ils sont sur la vérité. Parmi leurs choubouhat, la première qu'on peut citer, أن القرآن بيّن كل شيء. فلا يحتاج إلى تفسير أو الرجوع إلى غيره. أن هذا القرآن il a tout montré. Et on n'a pas besoin d'autre chose. Le Coran, il suffit. قال عبد الله الجكرالوي أي أون لا ديجا سيتي هذا المنحرف كما في مجلة إشاعة القرآن إن الكتاب المجيد ذكر كل شيء يحتاج إليه في الدين مفصلا ومشروحا من كل وجه فما الدعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة دونك إلا بريتندو كليرمون هنا أن دون القرآن il y a tout ce qu'on a besoin. Donc pourquoi chercher autre chose ? Et ta'amalu annahu il a appelé as-sunnah al-wahi al-khafi. Al-wahi c'est la révélation, al-khafi c'est quelque chose de pas clair. Et pourquoi délaisser quelque chose qui est clair, la révélation claire, le Coran, et revenir à cette sunnah ? Thumma il a posé clairement la question, wa ma al-haja ila as-sunnah ? Et quelle est l'utilité de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam ? Na'oudhu billah min al-kufr wa al-zayr. وقال كتاب الله كامل مفصل لا يحتاج إلى الشرح ولا إلى تفسير محمد صلى الله عليه وسلم لا القرآن il est clair il est complet et هذا الخبيث قال on n'a pas besoin de l'explication du prophète محمد عليه الصلاة والسلام قال إلى تفسير محمد صلى الله عليه وسلم له وتوضيحه إياه أو التعليم العملي بمقتضاه et toutes ces شبه صاحب كتاب القرآنيون وشبهاتهم إلزاسيتي واستفدنا منه وإلا فسي سورس كون سيت دو لور كتاب on a pas ces livres en notre possession لكن هذا المؤلف qui a écrit un livre sur القرآنيين il a rassemblé leurs شبه ويستدلون بقول الله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه والتفصيل كل شيء. Ils ont argumenté avec ce verset. قول هو التفصيل كل شيء. أي dans ce Coran tout est détaillé. ولا شك أن الله تعالى فصل وبين في آيات كثيرة أهمية ووجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب مفصلا وتبيانا لكل شيء. Et on citera d'autres adillah. Et parmi ces versets clairs, le fait d'obéir au prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Donc le fait d'obéir au prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam, ça contredit en rien que ce kitab, al-Qur'an, al-Azim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ça nous appelle à tout le bien. Wa yastadilun bi qawlihi ta'ala ma farratna fil kitab min shay. Ay, anna dans ce livre, dans le Qur'an, rien n'a été négligé. Donc, هم, ils prennent ce verset, تأملوا الفهم, العياذ بالله, qui est accompagné de passion. Ils ont compris, rien n'a été négligé dans ce livre. Ils ont fait une conclusion grave. On n'a pas besoin d'autre que ce livre. Même si c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Est-ce que, on ne parle même pas des grands mufassir, que l'imam Tabari ou l'imam Al-Kathir, ou l'imam al-Qurtubi, ou l'imam al-Shanqiti à notre époque, ou Cheikh Saadi, etc. On ne parle même pas de ha'oula, on parle de est-ce qu'un musulman, quel que soit son niveau, il peut comprendre hada min kitabillah. Abadan. Et que vu que dans le Coran, il y a tout ce qu'on a besoin, donc on n'a pas besoin de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Qala l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, fi tafsirihi, ay fi l-lawh al-mahfoud. Qawluhu, ma farratna fi l-kitab min shay, ay rien n'a été négligé dans ce livre. كثير من العلماء يقولون أن اللوح هنا هو اللوح المحفوظ. أي سي traduit par la table gardée qui est dans les cieux où que le destin il a été écrit. C'est ça le مراد هنا بالكتاب. قال المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. أي tout est écrit dans ce livre. Rien n'a été négligé. نعم. أما في القرآن العظيم il y a des choses qui n'ont pas été détaillées. Si on prend l'exemple de la salah, maintenant, comment faire la salah, enfin, dans le Coran, ce n'est pas tout cité. Est-ce que ça veut dire que c'est un manque de respect envers le Coran? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a révélé le Coran, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la sunna pour détailler hada le Coran. Et c'est une épreuve. Ba'd an-nas, ils ont rejeté la sunna, ils sont tombés dans la mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qala, wa qila ay fi al-Qur'an. Et certains imams, ils ont dit que al-murad c'est al-Qur'an, wa ma farratna ou ma farratna fil kitab min shay. Qala ay ma tarakna shay'an min amr ad-din illa wa qad dallalna alayhi fil Qur'an. Imma dalalatan mubayyana mashruha wa imma mujmala yutalaqqa bayanaha min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ay imma les versets dans ce Qur'an, ils sont clairs. Et Walilayhim, tu les comprendras en revenant à notre verset ou le verset lui-même. Emma, c'est des versets qui ont besoin d'être expliqués et tu trouveras l'explication dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فَقَوْلُهُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien négligé dans ce qu'on a besoin dans notre dîme. Tu trouveras dans le Coran. Et si ce n'est pas détaillé dans le Coran, tu trouveras dans la sunna. Et la sunna, ça fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucun problème. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله. الشبهة الثانية لا دوزيام شبهة أن السنة ليست بوحي. لا السنة سي با اون ريفيلاسيون. قال عبد الله الجكراوي كما في كتاب المباحثة إن لم قال إن لم نؤمن إلا باتباع ما أنزله الله بالوحي ولو فرضنا جدلا صحة نسبة بعض الأحاديث بطريق قطعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع صحة نسبتها لا تكون واجبة الاتباع. Donc il a été clair هنا أنهم يكروا هؤلاء ne croient qu'au Coran. ثم قال ولو فرضنا جدلا. أي si on admet من باب الجدل أي par rapport à ceux qui croient à la sunna, si on dit comme eux, alors qu'eux ne croient pas, si on dit comme eux que la sunna, قال ولو فرضنا جدلا صحة نسبة بعض الأحاديث, أي si on accepte ces أحاديث, قال فإنها مع صحة نسبتها لا تكون واجبة الاتباع. Même si on dit que c'est des أحاديث authentiques, ce n'est pas une obligation de suivre la sunna. Et même si on prétend comme vous que la sunna c'est la vérité, ce n'est pas une obligation de la suivre. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a pour lui, ça ne fait pas partie de la révélation. Là, c'est des paroles, des faits et gestes du prophète, alayhi salatu salam, et ça ne fait pas partie de la révélation. Donc, c'est des faits et gestes, des paroles, comme les autres êtres humains. Comme toi, tu n'es pas obligé de suivre Amr ou Zayd ou un tel minan nas. Fahakada pour eux, tu n'es pas obligé de suivre le prophète Muhammad, alayhi salatu salam. Qala Allahu azza wa jal, on répète, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إن هو إلا وحي يوحى. Ce Coran qui prétendent suivre Haoula, ce Coran que Haoula prétend que c'est la base de leur religion, Anahum, il lui donne beaucoup d'importance, ils ne veulent pas suivre autre. في هذا القرآن الله سبحانه وتعالى قال بكل وضوح إن هو إلا وحي يوحى. On est tous d'accord que c'est le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Anahum, c'est ce qu'il dit, ça fait partie de la révélation. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour répondre à Haoula. Lakin, vu que cette série, on essaie qu'elle soit complète et on espère qu'elle soit profitable et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit bénéfique, on essaye de citer leur choubah et de répondre brèvement. Wa illa, c'est très très clair. Amma hadith, il y a un hadith fi hada qui est propagé. إذا أتاكم الحديث عني فأعرضوا عن كتاب الله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو مني وإن لم يوافق فليس مني ولم أقله. أي ce hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم il aurait soi-disant dit si un hadith il vous parvient, ce hadith comparez-le ou exposez-le au Coran. Si contredit le Coran, rejetez-le. S'il est en accord avec le Coran, acceptez-le. هذا سي ان منسونج كما قال عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين هؤلاء font partie de ائمه السنه qui étaient à l'époque de l'imam Ahmed رحمه الله من ائمه الجرح والتعديل. Ils avaient une énorme connaissance dans les chaînes de transmission des ahadith. Ils ont dit ان هذا الحديث من الاحاديث التي وضعتها الزنادقه ليردوا بها السنن ليردوا به السنن. Ces hadiths, c'est des mensonges que Az-Zanadiqa, les hypocrites, les ennemis de l'islam, ils ont inventé pour que les gens s'écartent de la sunna. Et ce hadith, Kanaoui, il montre que si le hadith, il est différent du Coran, tu le rejettes à la kulihal. Alors qu'il y a des hadiths qui détaillent et expliquent des choses qui ne sont pas dans le Coran. Maintenant, des hadiths qui montrent que tu n'as pas le droit de manger telle nourriture, tu n'as pas le droit de porter tel vêtement. Ça n'est pas cité dans le Coran. فعند هؤلاء tu dois le rejeter. Et ils ont inventé ce hadith. C'est exactement tariqatu هؤلاء. Et on sait, walillahi alhamd, avec ces paroles, que هذا الفكر, c'est pour ça qu'on l'a cité dans l'introduction, dans le bref historique, أن هؤلاء القرآنيين qui sont à notre époque, ils ont pris leur madhab des hypocrites, des ennemis de l'islam qui étaient avant eux. Ils n'ont rien inventé. Ils ont fait revivre faqat de l'égarement et ils l'ont propagé sous un autre nom et ils sont appuyés par les ennemis de l'islam. La troisième chouba, an attiba' as-sunna wal hukm biha shirkun fil hukm. Le fait de revenir à la sunna et de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et d'accepter ses jugements, c'est du shirk. C'est du shirk, yadam billah. قال صاحب افتراء تعامل الحظ على أقوال الرسل وأفعالهم وتقريراتهم مع وجود كتاب الله علة قديمة قدم الزمن وقد برأ الله رسله وأنبياءه من هذه الأحاديث بل جعل تلك الأحاديث كفرا وشركا أي tous ces أحاديث qu'on a dans la sunna, dans صحيح البخاري, dans صحيح مسلم, dans بقية كتب الستة, dans les مسانيد, المعاجم, etc. Tout ça pour eux, c'est une chose qui s'oppose à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est du shirk. Comme celui qui adore autre qu'Allah, c'est du shirk. Enfin, pour eux, celui qui suit autre que le Coran, même si c'est la sunna, il a fait du shirk. Wa qala Ahmed Subhi Mansour, ahada c'est min ru'usihim, comme on l'a dit à notre époque, dans son livre Al-Quran wa kafa, lam yakun li nabi sallallahu alayhi wa sallam an yajtahid fi tashri'a. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas à faire hada l'ijtihad fi tashri'. C'était pas son rôle. Et de dire cette chose c'est halal, cette chose c'est haram, tu peux faire cette chose, tu ne peux, t'as pas le droit de faire cette chose. Indahum, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait cela. Ou il n'avait pas à faire cela. Walakin kana alayhi an yajtahid fi ta'atillah wa tatbiq awamirihi wa tanfid shari'atihi. Vous avez remarqué qu'ils ont mis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au rang d'un mu'min, si on peut dire, normal, qui n'a pas reçu la révélation. Comme toi et moi, on n'a pas le droit de dire ça c'est halal, ça c'est haram. Là, on doit faire des efforts pour obéir. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit faire halal. Mais le fait de dire ça c'est halal, ça c'est haram, pour eux, c'est que pour Allah. Inna al-hukm illa lillah. Ils ont cette shubha, ce verset qu'ils n'ont pas compris, et ils ont dit que le fait de dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut légiférer, c'est du shirk. Qala Allahu azza wa jal, fala wa rabbika la yu'minu. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ce Coran qui prétend suivre, il répond clairement à cette chose. فلا وربك لا يؤمنون. Ils ne croiront pas jusqu'à quand? حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Jusqu'à ce qu'ils reviennent au jugement du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام lors d'une divergence, lors d'une dispute, lors d'une mésentente. فهؤلاء لا يتحاكمون الى سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. Si on vient à appliquer ce verset qui prétend suivre Rome sur ce groupe égaré, est-ce que هؤلاء يتحاكمون الى السنه الى الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا. بل pour eux le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas le droit de juger. بل يردونها جمله وتفصيلا ويطعنون في عباد الله المؤمنين المتبعين لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. Donc ils ne prennent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge. Ils n'acceptent pas son jugement. Ils ont la croyance que c'est du shirk de revenir à lui. Donc, ce verset est applicable sur eux. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ils ne croiront pas. Ça n'est aucun doute. أَنَّ الْقُرْآنِيِّينَ c'est des kafara. N'est aucun doute fi hada. C'est pour ça que tu trouves à notre époque, même tous les innovateurs, الإخوان وبعض الصوفية والعقلانيين من المعتزلة إلى آخره يردون. يردون على القرآنيين. Tous les groupes zigaré répondent aux القرآنيين. لماذا؟ لأن leur égarement il est clair. On n'a pas le droit de douter. ولله الحمد. Nos frères, ils n'ont aucun problème في هذا. Ils reconnaissent l'égarement de هؤلاء. ولله الحمد. الشبهة الرابعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث. Ça c'est une de leurs شبه, une de leurs ambiguïtés. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de retranscrire, d'écrire les hadiths sur un support. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a interdit d'écrire ses paroles sauf le Coran, et celui qui a écrit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné qu'il efface. هذا كان في أول الأمر لما خيف أن يختلط الحديث بالقرآن. Ça c'était au départ. Sans rentrer dans les détails, al-hadith, il est rapporté par l'imam muslim, lakin certains imams, ils ont démontré qu'al-imam al-Bukhari, rahimahullah, comme afada al-Hafid ibn Hajar dans le Fath, l'imam Bukhari et autres, ils ont montré que ce hadith, ce n'était pas la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Bel al-sahih waqfu, an Abi Sa'id. Lakin sans rentrer dans les détails, et le hadith, il est sahih muslim, donc celui qui l'accepte en tant que hadith marfou, c'est la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, falakul Hada, c'était au départ. C'était au départ, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a craint que Bardana s'y mélange le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, adhina Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi kitabati al-hadith. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit au départ d'écrire, ثم, il a autorisé. Ceux qui suivent leur passion, comme Ha'oula, Al-Zanadiqa, Al-Qur'aniyoun, ils prennent qu'est-ce qui les arrange. Et, huna, on peut se poser la question. Qui c'est qui les a informés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit d'écrire Al-Hadith? C'est pas cité dans le Qur'an, on est tous d'accord. Est-ce qu'ils ont accepté ce Hadith? Alors qu'eux, ils rejettent Al-Sunnah. On dort les passions. S'il y a une chose qui les intéresse ou qui est en concordance avec leur égarement, Rupama, ils vont le prendre. قال ابن القيم والإذن متأخر فيكون ناسخا لحديث النهي. هذا قول من الأقوال. C'est un قول طيب. أن هذا من الناسخ والمنسوخ. Le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'écrire le hadith, ça a été abrogé par d'autres hadiths. On peut citer قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في سنن الترمذي قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم il a encouragé celui qui entend sa parole, qui la mémorise, qui la propage. Ça nous montre quoi? Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a donné de la valeur pour que sa sunna elle soit préservée, mémorisée et bien sûr transmise. Al-hadith sahahahu al-imam al-Albani rahimahullah. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه. عبد الله بن عمر il est connu en ce compagnon رضي الله عنه, il est connu en il fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadith. Enfin, tout ce qu'il l'entendait, il le recopiait, l'imam Ali Anahu, il savait écrire, ثم il l'apprenait. فنهدني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فالسيختان parmi la tribu de Quraysh, ils ont dit à Abdullah ibn Amr, pourquoi tu écris tout? Pourquoi tu écris tout alors que le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est un être humain, des fois il parle sous l'effet de la colère, il a arrêté. قال فأمسكت عن الكتاب فأمسكت عن الكتاب. Donc il a arrêté d'écrire. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a informé le prophète عليه الصلاة والسلام. فأومى عليه الصلاة والسلام بأصبعي إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم il a dirigé son doigt en direction de sa bouche et il a dit à Abdullah Ibn Amr, écrit, et il a juré que tout ce qui sort de cette bouche, c'est que la vérité. Comme a dit Azza wa Jalla, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Al-Hadith, rawah al-Imam Ahmed wa Abu Dawood, wa sahahahu al-Imam al-Albani, rahimahullah, comme a dit Sahih Abi Dawood. Wa fi Sahih al-Bukhari, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, قال, مَا مِنْ أَصْحَابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a informé que c'était lui qui mémorisait le plus de hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Sauf Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Qala Abu Huraira fa innahu kana yaktub wa la aktub. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari et ça appuie la narration précédente. Pourquoi Abdullah ibn Amr il avait mémorisé plus de hadith que Abu Huraira? Limadha? Li'annahu il écrivait. Donc en écrivant, il arrivait à mémoriser plus alors que Abu Huraira radiyallahu anhu il n'écrivait pas. الشبهة الخامسة أن السنة قد انتقدت سندا ومتنا. Ils ont prétendu que la sunna, ça ne peut pas être une source authentique. La sunna, certains hadiths, certains savants, ils ont dit que ce hadith, il est da'if, ce hadith, c'est un mensonge, ce hadith, il n'est pas acceptable. Enfin, pour eux, comme a dit Al-Hafid Aslam, أحد طلاب القرآنيين قال إن الأحاديث قد انتقدت علميا ما أفقدها صفة التدين. Vu que certains hadiths de la Sunna ils ont été repris ou rejetés إلى آخره فعندهم ça peut plus être une source sûre. قال لأن الأمور الدينية لا يدخلها النقد إلى آخره. وهذه سن شبهة هزيلة. العلماء الأئمة انتقدوا ما يحتاج إلى انتقاد. Les savants, ils ont rejeté les hadiths que بعض الزنادقة, comme Al-Qur'aniyun à notre époque, ils rejettent à cause de leur passion. Al-Qur'aniyun, ils rejettent complètement la sunna. Lakin al-maqsoud, c'est le principe, c'est le même. A'immat al-sunna, ils rejettent ce qui est faux. Enfin, rejeter ce qui est faux, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. فلهذا قال محمد بن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد. Au départ, الأئمة ne demandaient pas l'إسناد. لماذا؟ لأن ولله الحمد, les rapporteurs du hadith, ils étaient tous de confiance. فلما وقعت الفتنة, quand الفتنة est apparue, البدعة est apparue, et الزنادقة ils sont apparus, قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Quand la fitna est apparue, et certaines personnes, elles ont commencé à mentir, à propager des hadiths, des mensonges sur le prophète, ils ont été obligés de filtrer, d'accepter l'acceptable et de rejeter les mensonges. Aïn al-Ishkal, au contraire, c'est une manqaba azima li a'immat al-hadith. Ça, c'est une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé hada al-din bi ha'oula. Fajahadu hada al-jihad al-azim. الذي أزعج الزنادقة في الزمن القديم ce jihad de هؤلاء المحدثين, le fait de rejeter certaines narrations, certains rapporteurs, ça a beaucoup dérangé les hypocrites, les ennemis de l'islam, les innovateurs à l'époque. وهكذا أزعج هذا العمل إخوانهم وأفرخه اليوم زنادقة القرآنيين. الشبهة السادسة, la sixième شبهة, et la dernière, أن السنة سبب تمزق الأمة. أن pour la sunna c'est une cause qui a poussé à la division de la communauté. قال عبد الله الجكرالاوي في مجلة إشاعة القرآن لن تتحقق وحدة المسلمين ما لم يتركوا كتبهم الموضوع في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي la umma ne pourra pas s'unifier pour هؤلاء tant que les gens ne délaisseront pas les livres de la sunna. Il y en a pour eux, c'est une cause de division. قال ولن يروا سبيل الرقي أي الارتفاع والتقدم ما لم يمحى عنهم التشتت والفرقة. Le seul moyen pour être élevé, pour avancer, pour eux, c'est de délaisser la sunna. لماذا لأن la sunna pour eux, c'est une source de division. فنعوذ بالله. جعلوا سبب الفرقة السنة. في الحقيقة, ce point, ça montre leur mécréance, أنهم ceux qui font apparaître l'islam من هؤلاء des hypocrites. وإلا فكمن penser une seconde أن la سنة du prophète عليه الصلاة والسلام, cette lumière, cette رحمة, كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Le prophète, Allah سبحانه وتعالى, il a appelé le prophète عليه الصلاة والسلام رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم lui-même قال فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra beaucoup de divergences. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, هنا, il va citer le remède, la solution contre la divergence. قال عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث الذي تغابرت par Abu Dawood والترمذي الإمام الألباني لا غاندي أوتنتيك الشيخ مقبل لا إلا حسن. فالقرآنيون أنفسهم تسببوا في الفرقة. Eux-mêmes, ils ont été la cause de la division. L'un, c'est un groupe égaré. Et والله الحمد, c'est pas des croyants. Lakin, pour certains, c'est des croyants et c'est une cause de division. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم إلا دوني لا سوليسيون عليكم بالسنة لا السنة الغسام مثلا القرآنيون سي سويفغي لا السنة إي سو روبونت إس كون سوري ديفيزي أفيك أبدا وهكذا جميع الفرق الضالة فالسنة الغسام ce qui divise c'est les passions c'est l'ignorance c'est le suivi aveugle c'est الدنيا c'est ça qui divise أما la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام c'est min wahy Allah azza wa jal à cause de ces choubas ils ont des aqwal ajib à cause de ces ambiguïtés à cause de cette croyance le fait d'avoir délaissé la sunna tu trouves anna haoula ils ont des paroles très très graves. On peut citer un exemple fi salat. Il y en a le waqt dhahab, il y a plus beaucoup de temps. Qala Muhammad Ramadan, ahad talamid al-Jakralawi, un des élèves d'un de leurs guides, il a un livre Salat al-Qur'an, kama 'allama ar-Rahman. Et c'est la sifa, sifatu salat, lakin tiré du Qur'an, que du Qur'an. Et huna on fait un tanbih an cet élève il a complètement khalif son shir. Et son shir, il avait donné une façon de faire le salat, مثلاً, le nombre. 2 rak'at, 3 rak'at, 4 rak'at. Il avait respecté le nombre en s'appuyant sur des versets qui n'avaient rien à voir. Cet élève, qu'annahu, il a vu que ce n'était pas possible, cette explication, il a cité d'autres avis. Et, ayyadan billah, ça a donné une salat qui n'a rien à voir avec salat al-muslimi. Faqala, المفروض من الصلوات ثلاث il y a que 3 صلات il n'y en a pas 5 عندهم وان اداء العصر والمغرب اتباع لهوى النفس اما ceux qui font salat al-asr et al-maghrib ils suivent leur passion et pour eux c'est des salats qui n'existent pas وقال ولكل صلاه ركعتان وما زاد على ذلك فهو التعيين من الناس لا من رب الناس donc il a délaissé le qawl 3 4 5 ou plutôt 2, 3, 4. لماذا لأنهم il n'y a pas de dalil من القرآن. فماذا قال قال أن الصلاة c'est 2 ركعة فقط. الصلاة c'est 2 ركعة il n'y a plus 3 ركعة 4 ركعة. نعوذ بالله. وبعضهم يقول كما تقدم غير ذلك. أما عن صلاة التراويح قال إنها بدعة وضلالة مفضية إلى النار. celui qui fait صلاة التراويح ça le pousse en enfer. c'est un égarement. وقال عن صلاة الجنازة ليس لها هيئة مخصوصة وإنما يجب فيها الدعاء بالأدعية القرآنية فلا قيام فيها ولا استقبال القبلة ولا الوضوء إلى آخر donc pour صلاة الجنازة il n'y a pas une façon spécifique de faire tu n'as pas besoin de l'wudu tu n'as pas besoin de te mettre en direction de la قبلة فقط tu es debout et tu fais الدعاء c'est ça صلاة الجنازة وزعم هذا الكذاب أن تكبيرة الإحرام هي قوله إن الله كان عليا كبيرا le fait de dire Allahu Akbar au début de la salat et quand on change de position ou plutôt هنا c'est takbiratu al-ihram au début de la salat فهم ils disent pas Allahu Akbar là ils ont un verset du Coran qui prouve هذا قوله إن الله كان عليا كبيرا au départ ils disent ce verset وزعم أن لكل ركعة سجدة واحدة لا غير أي une ركعة tu fais qu'un sujoud وحين الانتهاء من أذكار السجود تنتهي الصلاة. ils ont pas de تسليم. et ils se mettent pas en position assez. quand ils ont fini le seul سجود qu'ils font, il y en a qu'un عندهم. ils se lèvent directement et c'est fini. هؤلاء ils ont pas de الصلاة. ils ont pas de دين كما تقدم معنا. والرفع من الركوع مخالف لتعليم القرآن. donc quand ils sont en ركوع, et ils ont un ركوع à part. quand après le recours, ils ne se relèvent pas. Là, ils se mettent directement en position sujoud. Ils n'ont qu'un sujoud. Quand il a fini un sujoud, il se lève et il a fini la salat. Ils ne se mettent pas en position d'assis et dire tahiyyat wa salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et at-taslim. Tout ça, ils ne l'ont pas. On peut citer un autre qawl pour finir et il est beaucoup plus grave. Wa huwa qawl az-zindiq Ahmed Subhi Mansour, leur guide actuel. Kama fi à Sohuf, beaucoup de médias ils ont rapporté son qawl et il est propagé en vidéo, en audio. Qala al-adhan al-hali ta'arrada lit-taghyir wa l'ibtida' wa at-tahrif. Il parle de al-adhan. Il parle de al-adhan que wallahi alhamd on fait que les musulmans y font pour montrer ou pour avertir que l'heure de la salat elle a commencé. Donc hadha al-adhan pour lui il a été déformé, il a été falsifié. قال الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ذكر لغير الله ولم يكن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع في الأذان والدعاء والصلاة. Pour lui, le fait que les musulmans disent « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » ça n'existait pas à l'époque du prophète. Il n'y avait que « Ashhada lillah bil wahdaniya » ay « Ashhadu an la ilaha illallah » قال فلم أو قال نعم فلم يعد يكفي أن تقول في شهادة الإسلام لا إله إلا الله بل لابد أن تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جانب رب العزة. هذا الكلام يمونتر que c'est pas que par rapport à l'adhan بل c'est في الشهادة en général. عنده ça le dérange qu'on dise أشهد أن محمدا رسول الله quand on dit أشهد أن لا إله إلا الله. بل vous allez voir que pour lui c'est du shirk. قال إلى منزلة المساواة مع الله جل وعلا وتقع في جريمة تفضيله على بقية الأنبياء والمرسلين وتلك من أبرز علامات الشرك والكفر. Deux choses pour lui c'est du shirk et du kufr. لماذا لأن tu mets le prophète صلى الله عليه وسلم au même niveau qu'Allah عز وجل. هذا أولا. Et ثانيا أن le fait de citer le prophète محمد عليه الصلاة والسلام c'est une injustice envers tous les autres prophètes et les messagers. لماذا لأنهم ils sont pas cités. فهل رأيت من الكفر مثل هذا؟ فكلام هذا الزنديق ليس خاصا بالأذان. Beaucoup de médias ils ont propagé son قول. À la base, نعم, c'était par rapport à l'adhan, لكن l'explication qu'il a donné c'est pour الشهادة en général. Et d'autres أقوال et des تفسيرات غريبة. هكذا celui qui s'écarte de السنه, mais celui qui la rejette complètement, en fait, comment il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment il va s'écarter des interdictions s'il se base que sur le Coran? Et on a cité un exemple avec cela. Amma ma yata'alaq bil hajj, ils ont une explication du tawaf. Ma yata'alaq bil zaka, ils ont des choses ajiba jiddan. Al khatima, on conclut هذه الكلمة بقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة. قال اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. هذا هو معتقد المسلمين ومعتقد أهل السنة والجماعة, أن الإسلام سل السنة هي السنة سل الإسلام. فبعد هذه الدراسة المختصرة فلا يجوز لأحد, personne n'a le droit, après cette brève étude, d'avoir des doutes sur kufr wa ilhad hadhihi at-ta'ifa, que ce groupe c'est des égarés, que ce groupe c'est des mécréants, que ce groupe ils n'ont rien à voir avec l'islam. قال الامام الشوكاني رحمه الله كما في ارشاد الفحول والحاصل ان ثبوت حجيه السنه المطهره واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. هذا كلام الأئمة. أن celui qui prétend que la sunna ça fait pas partie de la révélation et c'est pas une source dans notre din, هذا il n'a aucune part dans la religion d'Allah سبحانه وتعالى. أي ce n'est pas un musulman du tout. وقال الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع. Celui qui rejette la sunna, il a rejeté le Coran. لماذا؟ لأن القرآن on a cité beaucoup de preuves où Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de suivre le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation. Celui qui rejette la sunna, il a rejeté le Coran. Et celui qui rejette le Coran ou la sunna ou les deux, c'est un kafir بالإجماع selon l'unanimité. قال ولا يجوز التعامل معه وأمثاله بل يجب هجره والتحذير من فتنته وبيان كفره وضلاله. On n'a pas le droit de se mélanger avec هؤلاء. On n'a pas le droit de se marier avec eux. On n'a pas le droit de croire que c'est des musulmans. بل on doit appliquer le hajr, les délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. La salam wa la kalam. Et si, comme تقدم معنا dans les autres sectes, s'il y a un nouveau qui a ses choubas, qui ne connaît pas, il est ignorant, et on peut l'aider, enfin, on lui montre. Amma, ceux qui ont du jidal parmi ha'oula, et qui sont ancrés dans leur égarement, délaisse-le, lillah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas le premier mécréant à s'égarer. Et c'est pas le dernier. Wallahu a'lam. Wa qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, fi sharh nawaqid al-islam, la shakka fi kufrihim. Il n'y a aucun doute que c'est des mécréants. وقال العلامة مقبل بن هادي رحمه الله وليس من القرآن في شيء. Ça c'est important. أنهم ils n'ont rien à voir avec le Coran. فلا تغتر. On n'a pas le droit de croire qu'il y a une opposition entre ceux qui suivent le Coran et ceux qui suivent le Sunna. هؤلاء ils suivent le Shaytan. Ils suivent leur passion. Ils sont poussés par ما أدري من. وإلا فإن n'ont rien à voir avec le Coran. قال ليس من القرآن في شيء بل هم المعطلون لشرع الله المتلاعبون بدينه. نعم هؤلاء ils ont rejeté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils jouent avec les textes. Leurs avis c'est de la moquerie في الحقيقة et on a lu certains de leurs propos. فأحمد الله أخي الكريم على نعمة الإسلام. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التمسك بقدر ما تستطع بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. Sois reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a élevé avec cette religion et fais des efforts pour t'accrocher au livre d'Allah. عز وجل. À la sunna de son prophète, alayhi salatu wa salam. Avec la compréhension des salaf. لأن le fait d'accepter la sunna, c'est pas suffisant. لأن بعض الناس, et c'est toutes les sectes qu'on a vues auparavant, ils ont accepté la sunna, mais ils la comprennent comme ils veulent. Donc on a ces trois points importants, ces trois fondements. Le Coran, la sunna, et avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams qui les ont suivis. Et n'oublie jamais, anna najatak, si tu veux être sauvé, fi dunya wal akhira, c'est le seul chemin. قال الإمام زهري رحمه الله تعالى كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. الإمام زهري رحمه الله c'est شيخ الإمام مالك رحمه الله. C'est la génération avant l'imam Malik. وقال كان علماؤنا et les savants à leur époque ils disaient الاعتصام بالسنة نجاة. Le fait de se cramponner, de s'accrocher à la sunna, c'est un نجاة. Un نجاة c'est la chose avec laquelle tu vas être sauvé. بإذن الله عز وجل. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول من أراد النجاة فعليه بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Celui qui veut être sauvé fait des efforts pour suivre le Coran, fait des efforts pour suivre la sunna et revient aux savants de la Ummah pour comprendre ces deux sources. فأخيرا on conseille جميع المسلمين بالحذر كل الحذر ممن يزهد في هذا التمسك وهذا الاعتصام. لماذا؟ لأنهم في une époque où il y a certains groupes comme هؤلاء القرآنيون qui montrent clairement que la sunna c'est un mensonge et il faut s'en écarter. Et tu trouves d'autres من المنافقين وأهل الضلال qui essaieront de t'écarter des textes avec des شبه. أن il ne faut pas être radicaliste. Il ne faut pas avoir une lecture littéraliste ou madri comme ils disent, tout ça pour t'écarter des textes, à mettre en application et revenir aux savants de l'islam, pour eux c'est du radicalisme. Falihada, ils ont instauré et ils propagent l'islam de France, l'islam qui concorde avec les valeurs de la République. C'est pour ça que cet islam qu'ils appellent un, tu dois accepter la mécréance. Tu dois accepter ceux qui se moquent du prophète, alayhi salatu wasalam, la liberté d'expression. Tu dois accepter les valeurs de la République. Il a akhira. Et ma'loum, nos textes, le Coran et la Sunna, et eux, ils le savent très bien. C'est en totale opposition avec leurs valeurs républicaines. Akhzahumullah. Falihada tamassak bidinik. Fais attention à ces choubahs. N'espère jamais que les ennemis de l'islam, que ce soit le Coranion, que ce soit les Yahoud ou les Nasara, ou les laïcs ou autres, ne pense jamais à Naomi, ils veulent ton bien, et à Naomi, c'est eux qui vont t'enseigner l'islam authentique. Oublie, l'islam authentique, tu le trouveras fait le Coran, tu le trouveras fait Sunna, avec la compréhension des élèves. Tout ce qui s'oppose à Hada, rejette-le, même si ça fait partie des valeurs des autres. Pense aux valeurs de l'islam. Les valeurs de l'islam, c'est At-Tawhid, c'est As-Sunna, c'est donner de l'importance à la croyance, donner l'importance au bon comportement, c'est se différencier des égarés. C'est mettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout. Amma leur valeur républicaine, c'est quoi que tu dois mettre au-dessus de tout? C'est la république. C'est la laïcité. Ton islam, imma, tu le comprends avec leur valeur, imma il est forcément faux. Imma t'es forcément un égaré. Fahdhar, de ne pas perdre ton dîn. Et on a déjà expliqué et détaillé ولله الحمد ce sujet et on essaiera de le redétailler prochainement لأن حرب أعداء الله على الإسلام surtout à notre époque et encore plus de nos jours il est شديد جدا. C'est pour ça qu'on conseille nos frères de faire des efforts dans ce point et plus globalement dans le tawhid, dans l'aqida. On doit faire attention de ne pas délaisser les fondements et donner du temps, comme certains font, qu'à la langue arabe, qu'au bon comportement. Ça, c'est très très important. Lakin, wallahi, ça sera utile que si tu as une aqida authentique. Et cette aqida, elle t'aidera à repousser ashubha. Le bon comportement, la langue arabe, ça, c'est des choses essentielles dans notre din. Lakin, ça sera utile si c'est fondé sur al-mu'taqad. Enfin, on doit faire des efforts. Fihada. Apprendre notre din, apprendre notre aqida. Et pour les ouvrages de référence, on peut citer Kitab Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Manzilat al-Sunnah fil Islam. Kadalik, il a un autre livre, Al-Hadith, Hujjatun binafsih. Ces deux livres, ils sont taillés pour montrer l'importance de la Sunnah. Kadalik, la Risala de Cheikh Al-Baz, rahimahullah, Wujub al-Amal bis Sunnah. Kadalik, un livre de Cheikh Abdussalam Nubarjis, rahimahullah, Ahamiyat al-Sunnah Nabawiyya. Il a montré l'importance de la sunna. Et dans ses livres, ils répondent directement ou indirectement à cette secte. Et tu as d'autres livres, c'est des réfutations claires et précises sur ce groupe. Beaucoup de livres qui ont été propagés. Un kitab qui est connu, et on a pris de ce livre leur shubuhat, les madal, il y en a dans ce livre, ils citent leur qawl, leur propos de leur propre livre. Enfin, pour authentifier leurs propos, c'est important, bien sûr, pour réfuter. Lakin hada al-kitab, c'est kitab al-Qur'aniyun wa shubuhatuhum. L'auteur, il s'est appuyé sur des égarés pour répondre. Ka Muhammad Rashid Rida, et kadalika al-Mawdoudi, et d'autres, min ru'us al-munharifin, à notre époque, fal-hadar. Naktafi bi hada, wa nas'alullah azza wa jal. أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين.